Ce visage est massé, carnassier au regard d'acier. Le seul à pouvoir le gracier, mais il n'en fera rien. Malheureusement, mon adversaire se tient. Là nerveusement, il a le filet, le trident. L'assaut est imminent, regard intimidant. Il pousse un cri strident, mais je lève et plonge mon mac tel un glaive. En plein dans sa plèvre, n'en déplaise à la plèbe. Il voulait du spectacle, mais la lutte fut brève. Du pain, de la soupe et des jeux, mais qu'il crève. Ils veulent que la foule s'embrase, mais une fois dans le corridor, je pleure mon semblable. Je récite un mantra, apaise le mental. Adepte de Pancrace, j'ai parcouru tant d'endroits. Avant qu'on serme et lanière, j'ai l'art et la manière. Mais surveille mes arrières, car contre sont nos carrières. Tandis que subsiste leur stupide guerre punique, on lutte dans l'unique but de survivre. Incapable de s'unir, on subit et fulmine pour cette unique qui culmine et ce public qui jubile. Tributaire des tribuns, mon corps est interné. Ils disent que si je me bats bien, ils me rendront liberté. Mais ce n'est pas être libre que de changer de condition. Personne ne peut me rendre libre, j'en ai la conviction. On lutte à la guise d'une minorité qui se grise. L'âme s'aiguise et se glisse, est-ce qu'un semblable gisse dans la sueur. La peur et les pleurs, c'est la loi de la reine. Nous vie à l'empereur. Va savoir pourquoi on est tous là, enfermés. Pourquoi on nous a mis dans la tête que pour sortir sans se faire tuer, fallait tuer le premier. Sans réfléchir trop, les crocs pointus à serrer comme des animaux, ne faire confiance à personne. Garder un œil sur les gradins, distraire cette poignée d'hommes qui ne seront jamais atteints, mais qui peut-être pourront nous transmettre des compliments. Saupoudrer nos écuelles de quelques condiments. Sortir de là, ne plus être esclave. On n'y pense même pas, on n'a pas le temps. C'est déjà assez compliqué comme ça de survivre ici-bas. Si t'as raide de te battre, jette à terre tes armes. Que lieu de la ferme et tu parles, dis que la guerre c'est mal, on te tue. Car le faible on l'écrase. Et finalement en fait y'a quand même un côté jouissif qui s'installe dans la décapitation. La mise en charpie de ses victimes, est-ce un drame d'accepter les règles du jeu? Ce jeu t'es encore perdu dans la bataille. L'idée d'une révolte solidaire ne germera pas dans ce bain de sang entre frères dont on ne peut s'extraire. On est en vie, on meurt en étant gladiateur. Jamais dans le blanc des yeux, on ne laisse passer la peur. Elle reste à l'intérieur, y'a qu'une chose qu'on crie en cœur, bien qu'un peu à contre-cœur. Longue vie à l'empereur. On lutte à la guise d'une minorité qui se grise. De l'âme s'aiguise et se glisse, est-ce qu'un semblable gisse dans la sueur. La peur et les pleurs, c'est la loi de la reine. Longue vie à l'empereur. On lutte à la guise d'une minorité qui se grise. De l'âme s'aiguise et se glisse, est-ce qu'un semblable gisse dans la sueur. La peur et les pleurs, c'est la loi de la reine. Nous vit à l'empereur. Nous vit à l'empereur. Nous vit à l'empereur. Nous vit à l'empereur. Nous vit à l'empereur.